Malgré 200 000 francs offerts à sa fille par Crevel dans le temps où son amour-propre était flatté de ce mariage, et lorsque le baron ne lui avait pas encore pris Josepha, malgré 200 000 francs payés par Victorin en 7 ans, la dette qui pesait sur l'immeuble s'élevait encore à 500 000 francs à cause du dévouement du fils pour le père. Heureusement, l'élévation continue des loyers, la beauté de la situation, donnaient en ce moment toute leur valeur aux deux maisons. La spéculation se réalisait à 8 ans d'échéance, pendant lesquels l'avocat s'était épuisé à payer des intérêts et des sommes insignifiantes sur le capital dû. Les marchands proposaient eux-mêmes des loyers avantageux pour les boutiques, à condition de porter les baux à 18 années de jouissance. Les appartements acquéraient du prix par le changement du centre des affaires, qui se fixait alors entre la Bourse et la Madeleine, désormais le siège du pouvoir politique et de la finance à Paris. La somme remise par le ministre, jointe à l'année payée d'avance et au pot de vin consenti par les locataires, allait réduire la dette de Victorin à 200 000 francs. Les deux immeubles de produits entièrement loués devaient donner 100 000 francs par an.